Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Lors d'aujourd'hui, Assemblage requis. On reçoit Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et je vais chialer sur des choses superflues dans mon segment « Tout le temps de quoi? » Assemblage requis, ça commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mardi 1er février 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Bon matin, François-Olivier. Ça va bien, Mathieu? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Oui. Premier jour de février. Enfin février! Froid intense. Oui. Le soleil n'est pas présent ce matin, pas encore du moins. Non. 1er février. Oui. Oui. Oui. Quoi donc, Mathieu? Pas trop, là. Pas trouvé encore de Pepsi. Non, t'es souhaité aller voir? J'ai pas été voir. Parce qu'on parlait hier du Pepsi rétro, là. J'ai été dans un dépanneur, par contre. Mais j'ai pas fait les épiceries. Et puis, j'en ai pas vu. Faut dire que, en fait, j'ai pas cherché très loin. J'étais au dépanneur à côté de chez nous. Ouais. J'avoue que les dépanneurs, peut-être que c'est une fois par semaine et quand ça donne. Ben, c'est ça, exactement. Il faut écouler le stock aussi. Oui, oui, ben oui, tout à fait. Donc, je sais pas, mais c'est pour ça, là. Attends-toi pas à ce que t'en aies un sur ton bureau ce matin. Déception. J'en ai pas pour toi. C'est pas grave, je te parle. Toi, t'en as pas vu, t'as pas été. Non, mais je suis allé rapidement à l'épicerie, mais non, j'ai pas vu ça. J'ai vu par contre le nouvel emballage du Pepsi Max. Ah, OK. Avec le nouveau logo. Pepsi avait déjà refait leur visuel il y a quelques temps de ça avec les nouveaux bonhommes sourires là, de différentes grandeurs. Tu te rappelles, le Pepsi Diet, c'était comme un petit sourire, la boule. Le Pepsi normal, c'est un plus moyen sourire. Et puis Pepsi Max, plus moyen. Et Pepsi Max, c'est un grand sourire, okay, avec le logo à côté. Ils ont changé ça. C'est plus noir non plus. La bouteille du Pepsi Max était noire et rendue bleue avec le logo plus international qu'ils ont dans les autres pays. Ah ouais. Et puis le sourire du Pepsi normal. Bref, apparemment que la formule n'a pas changé. Je me suis renseigné sur Wikipédia. Hein? Et que maintenant, c'est comme c'est l'alternative au Coke Zero maintenant. Parce qu'avant, Pepsi Max, c'était ce qui devait te réveiller. Tu sais, c'était du Pepsi avec beaucoup plus de caféine dedans, Pepsi Max. Okay. Les annonces, c'était comme réveillez-vous, là. Okay. Tu te rappelles? Non, non. Bref, c'était ça. C'était comme une boisson, si on veut, plus énergétique. Et puis là, maintenant, c'est juste une alternative au Coke Zero, donc sans calories. Mais c'est la même formule qu'avant. Mais s'il précise plus sur l'emballage que ça va peut-être te réveiller. Ou, d'emblée, ça ne te réveillait pas. Donc, peut-être que c'était ça. Je sais pas. Je suis pas un fan. Je suis un fan du Pepsi nature. Régulier, si on veut. Ouais, régulier, c'est ça, exactement. Oui. Mais j'ai très hâte d'essayer le nouveau là, qui sortait lundi, Pepsi Retro. On rappelle que c'était la formule avec du vrai sucre. Sucre. Non, voilà. Pas du fructose. Mmh. Et plus de caramel et de vanille. Ouais. Miam! Genre. Ah, j'ai hâte. Ça va être un peu plus épais. Ouais, plus sirupeux. Sirupeux. On vous en reparlera, on fera la crotique, comme on disait dans le temps. La crotique! On disait ça assez fou avant. On devrait recommencer à utiliser ça si Danny Janvier m'entend. Crotique, on n'utilise pas ça. C'est critique et chronique en même temps. T'avais compris, tout ça. Donc, on en reparlera. Mais pour l'instant, plan d'émission d'aujourd'hui, parce que oui, malgré tout ce qu'on vient de dire, vous êtes à Assemblage Requis. Oui! L'émission matinale en pièces détachées. Et moi, c'est Mathieu Plante, je vous l'ai dit. Non, ça, je ne savais pas. Toi? François-Olivier. Marchand, c'est bon. Marchand. Ça semblait aussi, c'était Marchand. Donc, à l'émission aujourd'hui, on a Émilie Gauthier avec sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Elle nous parle de plein d'endroits, encore une fois, pour faire de la promenade hivernale, pour faire différentes choses en hiver. Si je peux vous donner un minuscule avant-goût. Vas-y donc. Je suis pas sûr que je peux, François. Je sais pas si je vais être capable. Et puis... Ça a pas l'air à ça. Non. Pas grave. Triste. Donc, Émilie Gauthier, aux alentours de 8 heures, tout dans la deuxième heure. Dans la deuxième heure. On peut le dire que... Ah, attends, je l'ai. Ah, bon. c'est l'Internet aujourd'hui qui est lent, pas les ordinateurs. C'est rare, hein? D'habitude, c'est plus les ordi. Bref, entre autres, elle va nous parler de l'Alte Camping du Lac-Clair et du parc récréo-forestier Saint-Mathieu. Entre autres. Entre autres, il y en a d'autres, évidemment. Comme tu disais, c'était 8 heures. Cool. Ouais, c'est ça, dans la deuxième heure. Et voilà. Sinon, dans la première heure, on va avoir une chronique de chialage. Là, moi, j'ai envie de chialer sur des affaires qui m'énervent. Tu sais, c'est souvent des affaires geeks qui m'énervent. Hein? Mm-hmm. Des affaires superflues, je trouve, dans Windows, entre autres. Oh, ouais. Oh, oui. Clic, clic, clic, clic, clic. Moi, oh, clic. Ça, c'est tout à l'heure dans Tout le temps de quoi. On va aussi, évidemment, avoir, d'ici la fin de l'émission, chronique, c'est un fait. Et peut-être un coup double, il était deux fois. Oh. Oh. Ça serait fort agréable ce matin. Ben, je pense que ça va l'être tout à l'heure. Mais on commence l'émission avec une pièce qui était très à propos en ce premier jour du mois de février. Je l'attendais. Février, comment on l'appelle, Février. Vincent Vallière. Vincenzo. Vincenzo. Vallières. Hey, excuse-moi, la prononciation ce matin, je... Tu commences, tu débutes. Oh, j'ai un peu de misère. Ça va venir. Vincenzo Vallières. Vallières. Donc, avec la pièce février, en ce début de février. Voilà, le mois commence, amusez-vous avec. Jouez pas trop là, avec vos mois. Non. D'une façon raisonnable. Ouais, c'est ça. Faites ce que vous voulez avec ça. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gants. Février, sud des skis. Février, en traîneau. Février, en skidou. Ou la langue sur le poteau. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Frileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuc foulard. Encore, encore, encore, hein. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant, maudit mois malfaisant. Je t'aime de temps en temps. Débine. Février compte Diderot, février Valentine. Faut qu'on se garde au chaud. Février dans le noir. Février de bonheur. Février désespoir. Février dans mon cœur. Février coupe de rouge. Février caribou. Février tini rouge. Février un peu saoul. Février dans le bouchon. Ou dans le clos d'un canton. Février, dépression. Février, toucher le fond. Février, puis du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Maudit mois malfaisant. Je t'aime, mais pas tout le temps. C'est la fête. Février des heures bêtes. Février débarrasse. Mets donc ça sa glace. Timo, dis-moi qui en finit pas. Je t'aime au fond quand t'es plus là. En attendant du blanc comme l'an d'avant. Avant, après, pendant. Beau pays malfaisant. Je t'aime, mais plus maintenant. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Thank you. I'm already dead to you, but I'm inclined to explain what I could not before. Whatever you didn't do, what you couldn't say, I am sorry the worst has arrived, for I deserve more. For at least I deserve the respect of a kiss goodbye. Stayed in me as an epithet. I am sorry the worst has arrived, for I'm on the floor in the room where we made it our last touch of the night. I walked, cause you walked, but I won't probably get very far. Sensation to what you said, but I'm not about to expect something more. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale.

Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pensais pas que t'allais le chanter. Ben, avoir su, j'aurais peut-être fait des bruits avec ma bouche. Ou des clics de souris. Ah, le non, mute. Hein. Ah, bon. Fini. Là-bas. Check. On t'entend plus. On n'entend plus. Carrément. C'est technologique, tout ça? Technologique. Pour les gens qui sont un petit peu moins technologiques, on va leur expliquer le concept. Voici le segment « Il dit deux fois ». Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Peu importe. Drop ça, drop ça. Deux fois, deux fois. Drop ça, drop ça. À chaque fois que j'explique le concept des deux fois, François doit me récupérer ça. Donc, à la place de commencer et me faire interrompre par quelqu'un qui l'explique mieux que moi, François explique le don, c'est quoi, il était deux fois? Pro. C'est un artiste, deux chansons. Souvent, ça vient du même album. C'est déjà arrivé, ça venait pas du même album. Okay, donc une chanson de deux artistes qui chantent ensemble. Non, ça... non, on recommence. Ok, ok, ok. Un artiste. Ok, un artiste, une un personne, artiste. Un groupe. On pourrait prendre un groupe là, ce matin, mettons exemple, Band of Scars. Mettons Band of Scars, comme c'est juste un exemple. Là. Ok, ça okay. C'est un groupe. Groupe, ouais. Okay, on ben, ça dit dans le nom, c'est Band, le Band of Scars. C'est ça, c'est ça exactement. Ouais. Mais le nom du groupe, c'est vraiment Band of Scars. Non, le band, c'est Of Scars. Non, c'est ça, c'est la globalité. C'est trois mots. Band. Band. Même si c'est un band, pour vrai. OK. Fait quand off, tu dirais, mettons, le band, Band of Scars, mettons. Ouais, j'ai été voir le band, Band of Scars, okay. En show hier. C'était carré. C'était un bon band. Fait que ça, c'est le nom. Ouais. Band of Scars, c'est le groupe, un groupe. On prend un exemple. Ça sera peut-être pas ça non plus. Donc, Band of Scars, c'est un artiste. On va faire jouer deux chansons. C'est un artiste ou un band? Ben, bonne question. Mais artiste et band, Mathieu, souvent, c'est pareil. Mais okay. En fait, c'est sûr qu'on peut pas dire un band. Je suis allé voir un band peintre. Non, c'est ça, mais non. Non, non, parce que là, c'est vraiment un artiste. Mais souvent, les musiciens, c'est des artistes. Écoute, on... OK, ça, ça va, OK. On passe. Ouais, ouais, c'est ça, là. Il faut enchaîner, là. C'est comme la pyramide, passe. Bon, un band, Band of Scars, exemple, deux chansons, qui viennent du même album. OK. C'est pas obligé, non des plus. Des fois, non, OK, OK. Et puis, on envoie ça back to back. OK, puis les scores, les crânes, c'est quoi le rapport, là? Ben, c'est parce que c'est du rock. Ah, okay. Tout ce qui est rock doit obligatoirement avoir Scars dans le nom. Ou Scars nom de tune. Ou... Ça, c'est officiel. Là. Toutes les affaires qui sont rock ont Scars quelque part. Ben, quand je dis des choses d'habitude, c'est véridique. Okay, okay. C'est vérifiable. Et véritable. C'est ça. D'accord. Donc, quel groupe, mettons, ou artiste ou peintre allons-nous entendre dans le bloc aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais ça te laisser ça entre tes mains. OK, je vais choisir Band of Scars. Ça va? Ok. J'ai entendu parler. C'est un nouveau groupe, Band of Scars. Ok, c'est des artistes. C'est un band. C'est un. Et c'est rock. Oh, ok. Tout ça, c'est une chose. C'est une chose. En même temps, on va écouter deux pièces, Fires, et on va commencer avec I Know What I Am, et Fin de la scène. Merci. Applaudissements. Théâtre! Théâtre! Gasoline, saccharine. I got no reason for the state I'm in, but I know what I am. They know what they are, so let me be. Hotel, Taco Bell. I got the hit that you know damn well, but I know what I am. They know what they are, so let me. Cut teeth, better believe. I got a feeling that I'm underneath, but I know what I am. They know what they are, so let me. It's alright, it's okay. I got

pas d'amis. Mais il est au cœur fragile. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Palmarès anglophone de C'est fou, c'est la formation Wolf and Cobb avec Seven Sevens dans Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées au 89 FM, c'est fou. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Savais-tu qu'il y a une émission qui a lieu le mardi soir? Oui. Ah, c'est fou, il y en a tous les soirs des émissions. Ben oui, chacune meilleure que les autres, évidemment, tu me diras. Je t'enlève les mots de la bouche. Exactement. Voilà. Donc ce soir à 21h, réanimation. Savais-tu que ça existait? Ça, oui. Oui. Vous savez que ça jouait les mardis 21h? Oui. Après Rock Révélé. Exactement. Et après toutes les émissions de la lignée du mardi, on en a beaucoup à tous les jours. Mais laisse-moi te parler un petit peu plus en détail de l'émission de ce soir. Okay. Ben oui. Cette semaine, les chaotiques réanimateurs vous enfonceront dans le crâne une émission dédiée aux nouveautés. Une édition de réanimation consacrée à quelques nouvelles parutions métalliques qui ne vous laisseront pas de glace, mais plutôt dans un état de pétrification. Mm-hmm. En outre, les nouveaux albums de Legion of the Damned, Motorhead, Necronomicon, faut le dire comme il faut, et plus. Le Dr. Pain, Pendragon et Sinistros vous donneront une fois de plus ce que vous désirez le moins, la démence et des effets secondaires plutôt désagréables, mais aussi ce que vous demandez le plus, chaos et pur métal en abondance entrelacé de métal et de chaos. Wow! Chaos et pur métal entrelacé de métal et chaos. C'est comme du beurre de cacahuète et du chocolat. Ça va être très, très chargé. Donc, c'est réanimation ce soir à 21h sur les ondes de C'est Fou. D'ici là, il y a l'émission que j'anime, moi, C'était Fou, tout à l'heure, à 9h, où je rembobine une semaine qui a eu lieu en 1998. Il y a d'ailleurs une pièce de Normand Lamour, François. Normand Lamour. Non! Il n'y a pas une porte. Ah. Évite-nous ça, Mathieu. Ça va être à 9h tout à l'heure dans C'était Fou. Soyez à l'écoute. Et évidemment, maintenant qu'à parler de C'est Fou, manquez pas la diffusion des matchs des Patriotes diffusés sur nos ondes au 89.1 FM, mais aussi sur le CFou.ca, www.CFou.ca. Le match du 12 février prochain va être sur les ondes de C'est Fou, les Patriotes contre les GGs d'Ottawa. Ça va être en direct. Une première live. Pour C'est Fou. Ça va être incroyable avec Nicolas Ducharme qui va faire le commentateur et le présentateur et l'annonceur. C'est l'homme à tout faire. Tu veux-tu avoir un scoop aussi? Oui, toujours. Homme de grand scoop. Oh oui. Journaliste, je sors mon calepin. Vas-y. Écoute, peut-être que ça va être télédiffusé. ben, pas télé. Web vidéo diffusé. Ouais, donc. C'est ça, exactement. Oh, ouais. En même temps qu'Annika. Ah, en fait, on est en train de regarder les possibilités. Ben pourquoi pas, parce qu'on diffuse via Internet facilement l'audio, mais la vidéo aussi, tu branches une caméra USB et puis go, là. C'est ça, exactement. Mais ça va être quand même live sur C'est Fou aussi, le 12 février. Oui, c'est ça, à la radio. Oui. Partout donc, en région. Partout. Partout dans le monde. All over the world. All over the world sur CFou.ca. Parce que c'est ça, les premiers matchs. Le premier match a été diffusé sur CFou.ca seulement, dans le sens que c'était pas à la radio ni sur le stream, seulement sur CFou.ca. Mais ça va être à la radio, sur le stream et sur le CFou.ca le stream de la radio. Là. Donc tout le kit au complet. Et en plus avec la vidéo, peut-être. C'est génial. Donc soyez-y, c'est la section CFou Sport sur le CFou.ca. Allez-y. Qu'est-ce que tu disais? C'était awesome? Awesome. Oh, tu utilises des beaux petits termes, toi, là. Ah, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On prend une petite pause. Une pausette. On va faire des affaires, nous, François et moi, puis on vous tiendra peut-être pas au courant après la pause. Peut-être pas. On va peut-être vous tenir responsable. Go! Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage Requis en pièces détachées. Il nous reste environ 25 minutes ensemble, 8h35 au 89 FM, c'est fou, cet assemblage requis. François-Olivier, on écoute un petit peu de Elliott Broad, ça commence à faire un bout, là, à un moment donné. Ça faisait longtemps, je pense qu'on n'a pas fait jouer de 2011. Ben est-ce non. que je me trompe? Mais non, de l'année, de l'année. Caroline. Ça date de l'année passée. Ben ça fait un mois quand même. Déjà, 1er février. 1er février. Premier. Aujourd'hui. First of February. Voici Elliott Broad et Write It All Out For You. Assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou! Dans vos oreilles. Diamond Rings et la pièce Something Else dans Assemblage requis au 89.1 FM. C'est l'émission que vous aimez goûter avec un soupçon de cannelle. Non, du caramel et de la vanille avec du vrai sucre. Ah, du vrai sucre, wow, comme le Pepsi rétro. Exactement. Que t'as pas encore trouvé puis tu m'en as pas encore acheté, même je te l'ai demandé puis tu m'avais dit tu me le ferais. Ah, t'es allé à l'épicerie, pas moi. C'est vrai, je suis même pas passé à ça. Mais sachez des cornichons sucrés, par exemple. C'est bon, ça, manger ça hier. Pas à 8h44 le matin. Non, peut-être pas. Mais en même temps, quoi que, tu sais. Ah, la mayonnaise à l'ail grillé, t'es cœur, hein, ça. Ah, non, jamais goûté. Wow. Bon, par exemple. Mon salut, je vais être bon à midi, je pense. C'est ça que vous avez avec Assemblage requis, c'est des tranches de vie et aussi des tranches de petits pains aux olives que j'ai acheté, mais c'est vraiment bon, cette tranche. Personne veut savoir, Rick. Tranche de vie. Tranche de vie. Et de pain. Et de pain. Et de pain. Tartiné à la mayonnaise à l'ail grillé, c'est ça? Peut-être. On aurait pu tartiner ça de musique. Ah, ben j'aime ça, l'émission j'aime. Nouveau slogan, François. Parce que tu sais que les slogans d'Assemblage requis viennent avec le temps. C'est pas quelque chose que tu sais, c'est pas inné en moi. Non. Les slogans comme l'émission construite à partir de matériaux de qualité. Ou encore l'émission matinale en pièces détachées. C'est pas venu tout seul, ça, là? Non. C'était créé de mains de façonneurs d'images. Comme une boîte de com, tu sais. Comme une boîte de com. Ton cerveau est pareil comme une boîte de com, Mathieu Blanc. Boîte de com flakes, là. Ça vient de le préciser. Les gens en com devraient s'inspirer de nous pour trouver des images et des slogans. Peut-être. Parce qu'on est des génies. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Des sketchs aussi, on est très très bons pour les sketchs. Sketch. Hey, sketch, d'ailleurs, ils vont avoir une nouvelle émission. T'as-tu vu? Comme le sketch show, tu quelque chose que t'aimais? Ah, j'adorais le sketch show, je trouve que c'est très, très, très intelligent. Pour une émission de TVA, là, et même pour une émission en général, c'était très intelligent. Mais ça revient, mais ça revient pas avec le nom sketch show. Ça va s'appeler LOL. Avec, Oh non, pas mais, le nom qui filme. Mais toujours avec Réal Bossé. Et ça a l'air d'être pratiquement la même chose. Parce que, tu sais, parlant de LOL, il y a une nouvelle émission en vrac TV qui s'appelle MDR. Est-ce que tu as vu? Non. Mort de rire. Laugh Out Loud, le LOL, la traduction en français, c'est MDR, mort de rire. Donc, dans le fond, l'émission existe comme le nom existe déjà. Ben c'est oui, une émission de sketch aussi, OK? Ben sauf qu'à la place, c'est un animateur. Okay? Ben c'est comme Fais-moi rire dans le temps avec chose, là. Fais-moi c'était rire. Carré, ça. Ça, c'était drôle, ça. Mais à la place, c'est des jeunes, des gens de 12 ans et moins, qui rient à rien. Donc, tu leur mets des jokes poches dans la face, puis ils vont rire à un moment donné, éventuellement. Puis là, ils mettent le monde, l'invité, c'est comme un numéro 21, mettons, bon, dans la salle. Bon, numéro 21, ils les mettent dans la salle, ils mettent devant un sketch, puis il doit pas rire, tu sais, genre. Mais tu sais, c'est pas drôle. Vraiment pas drôle. Ah, c'est intéressant comme concept, vois-tu? J'aime ça. C'est pas vrai. Non, mais fais-moi rire dans le temps, c'était bon, puis ça, c'est pas bon. J'avais entendu parler de cette émission-là, et je trouve ça vraiment ridicule. Oui. Et puis, les ados, en tout cas, c'est ce que je me suis fait dire, les ados ont tout l'air. Ouais, ben vraiment, de s'emmerder. Mais parce que c'est pas drôle, pas bon. Tu sais, les sketchs, c'est des affaires de pète, là. C'est des affaires de pète, ouais. Tu sais, à un moment donné, on évolue. Mais c'est pas des humoristes, non? Ben, c'est des humoristes. Ouais, tu sais. Oui, je veux dire, je dis rien contre les comédiens maison, sont sûrement super drôles quand même. Mais tu sais, à un moment donné, les textes sont écrits par cette émission-là qui s'adresse à un public de 12 ans et moins. Peut-être que les gens qui écrivent les textes se forcent pas autant que pour des sketchs qui pourraient être drôles s'ils faisaient quelque chose, t'sais, avec. Mais bon, que voulez-vous? Éditorial là-dessus. MDR, j'ai pas aimé ça. Non. Bon, parle-moi de ça. Je suis pas le public, par exemple. Ouais, t'es pas le public cible, t'es un peu trop vieux. Un petit peu. Mais j'ai hâte de voir le nouveau sketch show, je trouve ça une bonne idée, malgré le nom qui est très, très, très, très, très, très cliché. Ouais. Très cliché. Vraiment, vraiment beaucoup cliché. On va retourner en musique, on va entendre du Biobazar. François-Olivier Marchand. Yay! Biobazar! Yay! Je sais pas si en anglais il dirait ça. Biobazar. Oh, ben. Bizarre. Bon. On va entendre sa pièce Romance ou Romance, s'il veut faire international, Biobazar, qu'on adore au 89 FM, cet assemblage requis. Tu me l'offriras pas. 1903. Benoît, ta mère est folle. Ta mère est folle. Ta mère est folle. Benoît. Ta mère est folle. C'est séduisant ça le matin, hein? Enlève tes culottes. Enlève tes culottes. C'est pas ça que ça dit. Mais qu'est-ce que tu dis là, mon ami? C'est une citation de chanson, hein, c'est vrai. J'invente rien ici, là. Mm-hmm. Ah, c'était notre ami Biobazar avec la pièce Romance de son plus récent album Wells Vagina, disponible sur Internet. Allez voir biobazar.bandcamp.com. Oui, vous pouvez d'ailleurs chercher Biobazar dans Facebook et vous allez trouver. Il y a que de janvier. Maintes et maintes façons. Maintes. Maintes. On n'utilise pas ça ben souvent. Non, à part non, c'est dans vrai. Ouais. Il nous reste assez de temps pour aller entendre le nouvel extrait de Galaxy. Est-ce que tu as entendu le nouvel extrait? Non, tu m'en as parlé par exemple ce matin, mais je n'ai pas entendu. C'est la formation qu'on connaissait sous le nom de Galaxy 500. Ça s'appelle maintenant Galaxy à cause d'un problème avec un autre groupe qui s'appelait aussi Galaxy 500, etc. etc. Bref, ils ont une nouvelle pièce. Eux la nomment Piste 1. Mais c'est vraiment t'es comme c'est quoi ton cœur est comme un dance floor, ton cœur est comme un dance floor maléfique, c'est super bon, tu vas l'aimer. Ok, Galaxy assemblage requis, puis après ça ben on revient pour se dire au revoir. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. J'aurais pas dû partir sans dire un je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé. Et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai laissé ma brosse à dents avec la tienne. Et celle que j'utilisais les week-ends. J'ai pas eu le courage de la retirer. Quand je les ai vus les deux à côté, je me suis levé, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, il fallait que je sorte. J'ai claqué la porte. Maintenant je t'écris d'une chambre d'hôtel. Et les mois ont passé, pas de nouvelles. J'ai jamais arrêté de penser à tes cheveux sur l'oreiller. Quand je me suis levé et j'ai claqué la porte. Et si jamais un bon vent nous ramène et on se revoit dans une ville lointaine. Si tu hésites avant de m'approcher, sache que je serai un homme changé. La porte. J'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, j'ai claqué la porte, il fallait que je sorte, j'ai claqué la porte. Pom, pom, pom. Hein, c'est pas un hit, ça? Je te laisse continuer. C'est un hit. Écoute, c'est assuré. On peut l'inscrire tout de suite. Numéro 1, Franco. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. C'est déjà un classic gold hit. Hein? J'ai claqué la porte de Chromeo. Oui, sur le nouvel album Business Casual à Assemblage Requis. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin à 7h. 7h tapin. Qu'est-ce qu'on a demain? On a... Une nouvelle Radio-Canada. C'est ça, on a ça. On a Maxime Lemieux-Laramé. Maxime Lemieux-Laramé. On a aussi Madame Kévillon qui va venir nous parler de prévention suicide. Ah! Car c'est la semaine de la prévention du suicide. Tu vois, je ne savais pas ça. Elle va nous en parler demain. Elle va nous éduquer un petit peu sur le sujet. C'est aux alentours de 8h30. Oui. Et l'émission commence à 7h, elle. Demain. Oui. Restez sur nos ondes parce que tout à l'heure, c'est l'émission, ma nouvelle émission, C'était fou, qui est rediffusée à partir de 9h, où je rembobine une semaine choisie pendant l'histoire de C'est fou. Celle-là, c'est en 1998. Après ça, c'est le dîner de con. Et puis, votre journée continue avec une pêche en mission. La spirale est pleine d'autres choses. Les nouvelles de Radio-Canada suivent à l'instant et on se retrouve demain matin. Bonne journée, François. Thank you, Mathieu. Ça me fait plaisir. Bye. Salut. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.